faut avancer seul. Dans ce monde où trop de gens te freinent, on avance seul. En restant déterminé, on avance seul. Car le système veut nous baiser, faut avancer seul. Dans cette vie remplie de haine, faut avancer seul. Dans ce monde où trop de gens te freinent, on avance seul. En restant déterminé, on avance seul. Car le système veut nous baiser. Dans ce monde pour réussir, faut avancer seul. J'attends après personne, c'est synonyme de camisole. Je défoncerai les barrières, je traverserai les frontières. Pour atteindre mes buts, je leur baiserai même leur mère. Certes, j'avance seul, mais le soutien est important. Je ne serai plus là sans mes proches et mes parents. On décide d'avancer seul pour se valoriser. Un ego et des principes, c'est juste une question de fierté. Dont n'ont pas le choix et ne font que reculer. Certains baissent les bras, rejetés par la société. On n'a qu'une seule vie, faut avancer du mieux qu'on peut. Faut tracer son chemin, c'est l'héritage de nos types. On avance lucrativement, lentement mais sûrement. Pour s'en sortir, certains avancent dangereusement. Concrétise tes objectifs sans baisser ton froc. Ne compte pas sur les buts, mais soutiens tes potes. Faut avancer seul. Dans cette vie remplie de haine, faut avancer seul. Dans ce monde où trop de gens te freinent, on avance seul. En restant déterminé, on avance seul. Car le système veut nous baiser, faut avancer seul. Dans cette vie remplie de haine, faut avancer seul. Dans ce monde où trop de gens te freinent, on avance seul. En restant déterminé, on avance seul. Car le système veut nous baiser. Ne te fais jamais laisser personne décider ta vie à ta place. Fais les bons choix, va où tu veux. Le tout c'est d'être efficace. Faut te fixer des tas d'objectifs et t'y tenir. Méfie-toi tous ces gens qui te feront ralentir. J'ai perdu trop de temps et le temps ne se rattrape pas. Rares sont ceux qui t'aident à te relever quand t'es au plus bas. C'est triste à dire mais en vrai faut penser qu'à sa gueule. Parce que sur terre on vit seul et on meurt seul. Seul, je suis venu au monde et je serai seul dans ma tombe. Seul à ma fenêtre quand dehors il pleut des trombes. Issu du 9-4 Val-de-Marne, la banlieue de Paris, là où c'est très tôt con. On apprend à ne pas rire, le système veut nous rouler dans la farine. Bientôt notre peur à votre prix de l'essence en baril. En attendant, on essaye de ne pas perdre la boussole. Normal de viser le sommet quand t'es parti du sous-sol. Faut avancer seul. Dans cette vie remplie de haine, faut avancer seul. Dans ce monde où trop de gens te freinent, on avance seul. En restant déterminé, on avance seul. Car le système veut nous baiser, faut avancer seul. Dans cette vie remplie de haine, faut avancer seul. Dans ce monde où trop de gens te freinent, on avance seul. En restant déterminé, on avance seul. Car le système veut nous baiser. J'ai touché le fond, je voulais juste un peu d'action. Je suis monté en pression, puis une remise en question. Bon, je me barre, désolé les gars, je pars autre part. Je tourne en rond, j'en ai marre, les bons moments sont si rares. Seul, faut que j'avance, que cette fois je la devance. Saisir ma chance, construire une belle existence. Il y a si peu de gens bien, je me prends en main. Au bord du ravin, j'avance seul, je suis pas sans chien. Je veux avancer seul, moi, de ma vie être le roi. Et ouais, tu crois quoi? Tu sais pas, j'ai perdu la foi. Je consume l'aïa, pourquoi trop de blabla? Gars, t'assume papa, je te taperai bien. Là, je t'apprécie peu, donc j'avance le seul. J'ai moins le monsieur, moins nerveux, je reste à la ME. J'ai gravi un palier, le mal ne m'a pas épargné. En vrai, seul et pas accompagné, j'ai tout à gagner. Faut avancer seul, dans cette vie remplie de haine. Faut avancer seul, dans ce monde où trop de gens te freinent. On avance seul, en restant déterminé. On avance seul, car le système veut nous baiser. Faut avancer seul, dans cette vie remplie de haine. Faut avancer seul, dans ce monde où trop de gens te freinent. On avance seul, en restant déterminé. On avance seul, car le système veut nous baiser.